parole était avec Dieu, et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Jésus vient, Jésus vient. Et 30 minutes à Douala. Ils sont nombreux à attendre ce rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Lumière sur les ondes s'offre à vous. Une heure d'échange et d'analyse des faits de société. Mesdames et messieurs, une fois de plus, soyez les bienvenus. Lumière sur les ondes, c'est l'émission qui débute à présent à travers le thème la destinée, volonté divine ou humaine. La destinée, volonté divine ou humaine. On rappelle que ce thème avait été abordé déjà la semaine dernière, donc c'est la partie 2. Nous avons commencé à éplucher et à argumenter sur ce thème et nous continuons à la demande forte des auditeurs qui n'avaient pas vu certaines réponses, certaines questions, avoir des réponses. Nous allons poursuivre donc ce soir et nous espérons par la grâce de Dieu apporter toutes les réponses et toute la compréhension sur ce sujet souvent taxé d'assez complexe. La destinée, volonté divine ou humaine, beaucoup de questions qui surgissent au moment où nous présentons cette émission. La destinée, l'homme, est-il maître de sa destinée? Dieu a-t-il fait des hommes seulement des pions qu'il peut manipuler à sa guise? Ce sont des questions qui sont posées dans des communautés chrétiennes, dans des communautés religieuses. Et ce soir, nous voulons savoir, est-ce que la destinée émane de l'homme ou alors elle est simplement le plan de Dieu, l'incarnation du plan de Dieu? On va donc le savoir ce soir avec nos panélistes. Je vais dire bonsoir au frère évangéliste Élie Bertrand Tchabda. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs de cette merveilleuse radio. Alors on parle de destinée ce soir, la semaine dernière vous étiez déjà là. Et ce soir nous allons poursuivre avec ce thème. Merci de nous faire l'amitié et l'honneur de votre présence. Le service m'est demandé. Voilà. À côté du frère Élie Bertrand Tchabda, le pasteur Sakher, qui est là, qui n'était pas là la semaine dernière parce qu'on péchait. Mais aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, pasteur, de votre présence. Merci d'être là, bonsoir et bienvenue. C'est toujours pour moi un honneur, un privilège d'être là. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont scotchés actuellement. Bonsoir l'évangéliste Élie, bonsoir Stéphane, bonsoir Roméo et tous ceux qui sont avec nous ce soir. Nous croyons que nous allons passer des moments de qualité dans la parole de Dieu, pour apporter de l'éclairage, de la lumière dans les ombres obscures, afin de plus de compréhension. Alors on va également dire bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent à présent, bonsoir à toute la communauté du groupe WhatsApp de l'émission Lumière sur les ondes, tous ceux-là qui sont connectés et qui nous écoutent et qui vont participer à travers ce canal qu'est WhatsApp. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en Afrique, parce que nous sommes écoutés en Afrique, nous sommes écoutés au-delà des frontières même africaines, en Europe, partout dans le monde, on écoute Lumière sur les ondes et ça c'est pour la gloire de Dieu. Mais avant d'entrer dans le sujet, on va prendre une musique de mise en condition, il s'appelle Bernaka et il chante Romance. Je t'ai connu avant que tu ne naisses. Je t'ai Retour dans ce studio, mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette émission. C'est Lumière sur les ondes, une émission qui est diffusée tous les vendredis à partir de 18h30, durant une heure, donc jusqu'à 19h30. Nous sommes là pour parler de ces thèmes que nous avons commencé, débuté la semaine dernière, la destinée, volonté divine ou humaine. Les panélistes sont déjà là, Pasteur Sakher, rebonsoir et bienvenue. Merci une fois de plus. Élie Bertrand Tchabda, vous êtes à l'aise, je crois qu'on peut, très à peut l'aise. Commencer l'émission. Très à l'aise. Ok. Maintenant, le chat arrive dans ma gorge, alors que tout à l'heure, je disais que je n'avais rien. Alors, la semaine dernière, Élie Bertrand Tchabda, on parlait de la définition de la destinée, comment comprendre la destinée. Oui. Et vous nous avez fait savoir que la destinée, c'est la détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance divine. Souvent personnifiée. J'espère que je suis fidèle dans la retransmission de la définition que vous avez. Ça, c'est la définition sur le plan littéral. Sur le plan littéral, bien sûr. Donc, je voudrais d'abord qu'on s'arrête là. Oui. Et je m'accordais avec le pasteur Sakher, qui lui n'était pas là. Est-ce qu'on peut avoir une approche également sur le plan définitionnel de ce terme, pasteur Sakher? Oui, comme il a dit, sur le plan littéral, il n'a rien redit. Mais si nous pouvons ajouter, maintenant, dans la perspective de la Bible, qu'est-ce que la Bible dit directement? Nous voyons que, d'une manière claire, la destinée est un ensemble d'événements organisé, orchestré, arrangé par Dieu, dans le but de voir un homme accompli. En d'autres mots, lorsque nous parlons de destinée, c'est un ensemble d'événements orchestrés, arrangés par Dieu, qui a pour but de voir Dieu être glorifié, que l'homme doit accomplir. Mais maintenant, parfois il y a certains mots qu'on joue souvent entre destin et destinée. Nous devons comprendre qu'il y a la différence. Okay. La destinée est spirituelle, mais le destin est naturel. Ouais. Parce que l'homme peut organiser, orchestrer les plans dans le but de se voir lui-même être glorifié. Oui. Donc la question que nous devons nous poser, c'est que après avoir accompli quelque chose, après avoir réalisé quelque chose, ou bien peut-être après notre vie sur la terre, qui a été glorifié? Nous, l'homme, la famille, ou bien notre entreprise, ou est-ce que c'est Dieu qui a été glorifié? Donc nous voyons que la source de toute destinée, c'est Dieu. Mais l'homme peut lui-même avoir ses propres projet, comme ouais. Proverbe dit, ouais. que dans le cœur d'un homme, il y a beaucoup de projets, mais seul le dessein de Dieu s'accomplit. Je crois ouais. qu'avec le temps, nous allons voir ces deux mots-là, dessein et dessein pluriel singulier. Donc nous devons comprendre que Dieu orchestre, il organise les événements, il établit les choses en avance pour que l'homme puisse accomplir dans le but. Il faut noter que Dieu soit glorifié au travers de cet homme. Mm-hmm. Donc, ah, oui, allez-y, poursuivez. Si. Donc, nous pouvons donc voir dans beaucoup de passages dans la Bible, dans Jérémie au chapitre 1, verset 5. Bon, alors, peut-être okay. avant d'arriver, oui, allez-y, Jérémie chapitre 5, oui. Oui, Jérémie chapitre 1, verset 5, Psaume 139, verset 16, Galates 1, verset 15. Lorsque nous lisons ces trois passages, nous voyons clairement que dans le cœur de Dieu, il a un plan spécifique que chaque individu puisse accomplir. Mm-hmm. David dit, mes jours ont été destinés avant que je fusse créé. Ont été écrites. Mm-hmm. Ouais. Donc je crois qu'il faut être dans la précision de la chose, oui. parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Oui. La même chose, comme il a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Oui. Prophète des nations. Ça, c'est la fonction. Mais nous voyons donc que Dieu a un plan spécifique que chaque personne puisse accomplir. Oui. Il organise, il orchestre, il arrange un ensemble d'événements pour que cet homme doit se trouver dans ces événements, puisse accomplir cet événement et dans un but bien précis, j'insiste, que Dieu soit glorifié. Donc si, après avoir accompli quoi que ce soit, et qu'on ne peut pas voir Dieu être glorifié dans ce que nous sommes en train de faire, réellement nous sommes en train d'accomplir le destin qui n'est que tout simplement un ensemble d'événements, de projets, des bonnes choses que l'homme aimerait faire pour que lui soit glorifié et non Dieu. Alors, le pasteur Sakia ici fait quand même la différence oui. nette et claire oui. selon ses propos entre le destin oui. et la destinée. Oui. Pour essayer de reprendre le pasteur Sakai, il dit que le destin, ce sont des projets qui émanent du cœur de l'homme. Oui. Et que la destinée, c'est effectivement... Ça devient synonyme les projets. Voilà. Maintenant, la destinée est beaucoup plus spirituelle. Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Et que oui. la destinée était effectivement l'accomplissement du plan que Dieu a bien avant établi, avant que nous soyons même dans le sein de nos différents mères. C'est pour cela que, même dans la oui. définition... Vous êtes d'accord d'abord avec absolument, ça? Absolument. Vous accordez? Absolument. Donc, il y a une différence entre destin et destinée. C'est pour cela que dans la définition que nous avons donné du mot destinée, vous avez vu que même dans la définition mondaine, il est dit que c'est un être surnaturel qui contrôle les événements. Et on s'arrête là. Donc, ça veut dire que ça ne dépend pas de l'homme. Cela ne oui. dépend pas de l'homme. C'est là où nous parlons de destinée. Mm-hmm. Et donc là, puisque l'émission était qu'il était question de savoir si c'est une volonté de l'homme ou mieux avec toutes les autres questions sous-jacentes, on pourrait y poser mm-hmm. si l'homme peut modifier ses destinées et ainsi de suite. Nous voyons effectivement que d'après ce qu'il a dit, mm-hmm. et c'est là où je vais essayer d'avancer sur ce plan-là. Il dit, au sorti de cela, tout ce qu'on fait, il faut que Dieu en soit glorifié. Maintenant, le problème maintenant avec cela, c'est que quand nous lisons la Bible justement, nous voyons que c'est dans certaines personnes, dans la vie de certaines personnes, c'est ainsi. Il y a des personnes qui sont conscientes de cette destinée-là, il y a d'autres qui n'en sont même pas. Et ils sont utilisés par Dieu. Par exemple, lorsque nous lisons le cas de Pharaon qui a opposé à Moïse, nous voyons effectivement comment Pharaon s'opposait plutôt à la réalisation, au plan de Dieu, mais en voulant s'opposer d'après son entêtement, il accomplissait plutôt le plan de Dieu. Parce que Dieu plus tard vient nous dire dans le livre de Romains chapitre 9, je crois qu'on va y revenir si le Seigneur permet, dans le livre de Romains chapitre 9, il dit que l'Écriture dit à Pharaon que j'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance afin que mon nom soit publié par toute la terre. Or, nous remarquons effectivement que lorsque Pharaon n'est pas du peuple de Dieu, il ne sait pas Dieu, il ne connaît même pas ce Dieu. Parce que quand Moïse lui dit, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert, il dit même qui est l'Éternel afin que je t'obéisse. Mm-hmm. Donc, il est dans l'entêtement. Je t'en ai dit parce que pour arranger un peu ce que le pasteur te dit là, pour équilibrer. Parce que ici, nous parlons, là, il définissait par rapport à quelqu'un qui est conscient, qui veut faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Oui. Et nous voyons donc en toile de fond certaines personnes qui font ces choses-là, même inconsciemment. On peut également prendre dans le peuple juif le cas, par exemple, de Kis, dont j'ai pris la dernière fois, avant que Saül ne soit roi, nous voyons que la naissance de Kis, de son papa, était égaré. Vous voyez que la naissance est dans la destinée. Le fait même que son papa envoie Kis d'aller le faire était dans la destinée, dans le plan de Dieu. Mais eux, ils sont dans ces plans-là sans savoir qu'ils sont dans le plan de Dieu et en accomplissant ça, le plan. Ok, donc la première chose que les auditeurs doivent retenir ce soir, parce que les différents panélistes s'accordent, c'est qu'il y a une différence nette entre destin et destinée. Absolument. Et que le destin, on peut le greffer aux pensées humaines, aux projets humains, et que la destinée sur le plan spirituel, c'est effectivement la pensée que Dieu a eue pour chacun d'entre nous, bien avant que nous soyons formés, un peu comme il le dit à Jérémie. J'espère que là, on est tout à fait clair. Alors, pasteur Sakher, comment connaître sa destinée? Je parle bien de destinée. Très bien. Maintenant, nous devons comprendre que la destinée ne peut pas être en marche dans la vie d'un individu s'il ne donne pas sa vie à Jésus. Donc, tout commence lorsque celui-là, ou ce dernier, reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Maintenant, sur cette base, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent d'être tellement si sensibles et d'être tellement si scotchés. Il y a 7 éléments pour qu'une personne puisse accomplir sa destinée. Oui. Donc, nous avons commencé par le premier point. La personne doit recevoir Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Donc, la deuxième chose, c'est que Dieu fait chaque chose pour ses plans et ses buts éternels. Donc, il faut que nous puissions savoir que tout ce que Dieu fait, Dieu vit ses plans et ses buts. Ça s'appelle, en d'autres mots, ses desseins. Maintenant, les plans et les buts de Dieu, dans sa parole nous révèle ses plans et ses buts. Ses plans sont au nombre de 7. Comme nous lisons de Genèse, Apocalypse, son nombre de 7. Et quand la Bible déclare que David a servi à son temps au dessein de Dieu, nous devons comprendre que dans la parole de Dieu, les desseins de Dieu, la parole de Dieu nous révèle quels sont les desseins de Dieu. Et les desseins de Dieu, c'est ce qui est le cœur de Dieu. Maintenant, ces desseins sont au nombre de 7. Si avec le temps, nous me permet, je peux. On peut les énumérer rapidement. Les 7 desseins. Premier dessein de Dieu, tout ce que Dieu veut faire, c'est Jean chapitre 3, verset 16. On pense que ce passage n'est que pour amener les nouveaux convertis, je ne sais pas, les païens au Seigneur. Mais nous devons comprendre que Jean 3, verset 16, c'est un passage des plans et des buts de Dieu. Oui. Ce passage dit Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le premier dessein de Dieu, c'est que Dieu veut que son amour soit révélé et reçu à toute l'humanité. Oui. De l'amour de Dieu doit être révélé au-dessus de nos doctrines. L'amour de Dieu doit être révélé au-dessus de nos dénominations. L'amour de Dieu doit être révélé au-dessus de toutes nos limitations. Oui. Donc, je dois aimer, pas parce que j'ai l'amour, je dois aimer parce que j'ai l'amour de Dieu à moi, parce que Dieu est amour. Donc, première des choses, l'amour de Dieu doit être révélé à l'humanité. Okay. Deuxième plan de Dieu. Allons-y, vous allez les énumérer sans expliquer, si on n'aura pas beaucoup de temps. Donc, rapidement, deuxième plan de Dieu, le désir de Dieu, son plan, c'est de voir chaque homme être sauvé. Oui. Son désir, c'est qu'il est dans son cœur, c'est que chaque homme soit sauvé, selon 1 Timothée 2, verset 1 à 4. Oui. Troisième plan de Dieu, c'est que Dieu désire voir le salut des nations. Le salut des nations. Je rends beaucoup grâce à Dieu pour une fois, le frère Julien avait envoyé quelque chose qu'il avait reçu de Dieu par rapport à la repentance du Cameroun. Et donc, il est important que non seulement individuellement seront sauvés, mais en tant que nation, il est important que nous expérimentons la repentance dans le plan général, parce que Dieu désire voir le salut des nations pour la paix, pour la seigneurie. Quatrième plan de Dieu, Dieu désire voir les vrais adorateurs, selon Jean 4. Il désire voir ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Cinquième chose, Dieu désire voir les fils matures, ceux qui vivent sa parole, ceux qui ont développé le caractère de Christ. Selon Romains chapitre 8, qu'au-dessus de tout, nous sommes appelés, prédestinés pour être semblables à l'image de son Fils. Donc, le désir de Dieu, c'est de voir que nous puissions parvenir à l'image, à la statue parfaite de Christ. Oui. Sixième plan de Dieu, le désir de Dieu, c'est de voir la domination de son royaume. Tout ce que nous faisons, Bayam Selam, Beskineur, femme d'affaires, partout où nous trouvons, peu importe le sphère dans lequel nous opérons, nous devons établir le règne de Dieu et non pas établir le règne de lui. Et le septième. D'établir le règne des eaux, des huiles bénies, les bracelets. Mais nous devons voir le règne de Dieu être établi. Et septième chose pour terminer, le désir de Dieu, c'est que nous puissions accomplir les prophéties à la fin des temps. L'une des prophéties à la fin des temps, Matthieu 24, verset 14, 7 bonnes nouvelles. Il a bien précisé. Oui. 7 bonnes nouvelles du royaume sera prêchée à toute la création pour servi de témoignage, en suiviendra la fin. Merci, pasteur Sakher. Juste pour vous taquiner, je remarque que vous portez un bracelet sur lequel est écrit Blood of Jesus, c'est ça? Oui, c'est pas moi que j'en ai cherché là. C'était juste pour mettre un peu de, un peu de d'ambiance. Je te vois venir. Non, c'était juste pour mettre un peu d'ambiance. Élie Bertrand Tchabda, on a écouté quand même le pasteur Sakher qui nous a présenté ces différents éléments oui. qui sont importants oui. et vraiment très très importants. Enfin, pour... qui ressortent de la parole de Dieu. Qui ressortent. Il ne les a pas inventés, c'était oui. Verset biblique. Oui. Alors, mais moi, je voudrais quand même m'appuyer sur un point, parce que oui. le pasteur Sacré a dit que Jésus-Christ était un peu comme celui-là qui était la porte à la destinée. Oui. Parce que pour entrer, parce que la question que je posais était celle de savoir comment connaître sa destinée. Il a répondu, et il a répondu que pour connaître sa destinée, il faut avoir donné sa vie à Christ. Voilà. Donc, je place, ou alors je pose Jésus-Christ ici comme la porte qui nous fait connaître notre destinée. Voilà. Alors, la question que moi, je m'en vais vous poser, oui. c'est celle de savoir, Jésus-Christ qui est venu sur oui. le monde, je l'ai posé hier la semaine dernière, oui. afin que tout le monde soit sauvé, c'est ça. Parce que le troisième principe, son troisième principe, c'est le salut des nations. Oui, ça veut dire que pour le Dieu, salut voulait... des hommes d'abord, puis le salut des nations. Voilà, il voudrait que tout le monde soit sauvé. Soit sauvé, oui. D'accord. Oui. Alors, si tout le monde doit être sauvé, ça veut dire que Dieu a prévu dans la destinée de tout le monde oui. que tous nous serons sauvés. Si oui. Si je comprends bien. Voilà. Alors maintenant, je crois que la question est bien posée et comme il a développé là, si franchement, si on a du temps vraiment dans cette émission, si ça permettrait effectivement qu'on puisse expliquer beaucoup de choses. Parce que les points qu'il a pris là sont des choses qu'on devait prendre et détailler. Mm-hmm. Donc, je vais prendre le premier point, plus le troisième point dont vous avez fait mention maintenant pour dire certaines choses avant de revenir sur par rapport aux nations et les dessins des autres dessins. Le pasteur Sacré dit qu'il faut qu'en premier lieu que cette personne, pour connaître sa destinée, comme vous avez posé la question, oui. connaître sa destinée, il faut que la première chose, la condition sine qua non, l'une des premières conditions en clair, c'est d'accepter de donner sa vie à Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec ça? Non, c'est ça, c'est pour ça que je vais essayer de nuancer pour essayer de ressortir quelque chose. Puisqu'il y a des gens dans la Bible, puisque en commençant dans ses propos lumineux ici, il a pris le psaume 139, verset 14 à 16, où David dit clairement que tous les jours qui lui étaient destinés étaient écrits dans son livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Oui. Et nous voyons effectivement que l'apôtre Paul également dans Ephésiens chapitre 4 parle de Clément et autres, dont le nom sont écrits. C'est vrai que pour le cas de Clément, ils sont effectivement enfants du Seigneur sur la nouvelle alliance. Mais je voulais dire que, est-ce que quelqu'un, avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, ne pouvait-il pas connaître sa destinée? Ça, c'est une autre paire de manches. Ça veut dire que, est-ce que Jésus-Christ n'était, les gens n'acceptaient pas Jésus-Christ avant qu'il ne vienne? Mm-hmm. Donc, Dieu avait donné son alliance avec les juifs et il accordait des grâces de temps en temps chez les païens. Mm-hmm. Donc là, nous ne voyons pas quelqu'un qui avait le cas d'Abraham que Dieu appelle selon son destin et Dieu dit que lui seul il a appelé et il a choisi et il taille les gens à partir d'Abraham. Mm-hmm. Abraham n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ pour le faire. Il voulait seulement dire que, en fait, Jésus-Christ, dans le plan de Dieu, est l'envoyé pour la réconciliation de la faute qui a été commise dans la Genèse, mm-hmm. fondamentalement. Donc tout tourne, que le soit, la Bible déclare par la réconciliation dans les cieux et sur la terre, tourne autour de lui. Mais pour qu'on la destinée proprement dite, un être humain ne pourra pas connaître dans les détails sa destinée. Vous pouvez avoir des blips, les clichés, comme le cas de Joseph, comme le fils Joseph en Égypte. Dieu lui donnait des clichés de sa vie. Le cliché de sa vie, il lui montre 11 gerbes qui se prosternent devant son propre gerbe. Et là, son père lui donne l'interprétation. Tu veux dire que tes frères et ta maman viendront se prosterner. Là, Dieu lui donne des flashs, des clichés comme ça de sa vie. Plus tard, il va voir ces choses s'accomplir en Égypte lorsqu'il va être vendu par ses frères. Oui. Or, Dieu ne donne pas tout la photo. L'apôtre Paul, il a cité également ça dans Galates chapitre 1, verset 15 et 16. L'apôtre Paul dit que, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel, comment l'apôtre Paul, lorsqu'il est mis en Christ et par la révélation du Saint-Esprit, il commence à comprendre maintenant que tout le parcours qu'il avait, en fait, Dieu l'avait mis à part. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7 à 12, il dit que ces choses-là, nous recevons le Saint-Esprit qui nous a été promis là, afin que nous connaissions. Parce que l'Esprit sonde tout, même la pensée de Dieu. Et c'est quand le Saint-Esprit sonde tout, même la pensée de Dieu, il nous révèle, il nous donne les choses que Dieu nous a données par sa grâce depuis l'éternité. Mm-hmm. Et donc là, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement que quelqu'un soit en Christ pour connaître le destin. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas destiné tout le monde dans sa destinée pour être en Christ. Bon, est-ce qu'il y a un problème au niveau, je vais peut-être mettre un stop à votre oui. argumentaire pour vous relancer. Est-ce qu'il y a pas un problème au niveau des temps, parce qu'aujourd'hui nous parlons, nous sommes sous la grâce. Est-ce qu'on s'adresse quand même à des personnes qui sont sous la grâce? Je vais aller dans les deux cas. C'est pour ça que je suis allé dans l'ancienne alliance pour dire qu'en réalité, dans l'ancienne alliance, il y avait la façon que Dieu. Oui, là, je suis d'accord parce que Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. De manière physique. Justement, j'arrive. Oui. Mm-hmm. Prenons le cas physique. Dans le cas, quand le Seigneur Jésus-Christ vient, nous voyons effectivement, et nous avons lu ça à la dernière fois, le psaume 69, le psaume 109 qui concernait Judas, que Judas avait quelque chose qui était écrit de lui qui devait réaliser. Ça, c'est pendant que Christ est là. Nous voyons effectivement dans Acte chapitre 4. être, lorsque les apôtres vont être battus et interdits de parler de la part du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils vont rentrer avec les lèvres, vont prier et dire clairement ce qui leur est arrivé. Il dit que c'est toi qui as dit par la bouche de son saint prophète, de David, en citant le psaume 2e, que pourquoi cette tumulte parmi le peuple et ses vaines pensées parmi les nations. Il dit en effet, dans cette ville, Pilate et Hérode ont fait ce que ta main et ton conseil avaient décidé, avaient arrêté d'avance. Ils ont livré le soleil. Vous voyez ce qu'il en est. Donc, vous voyez, d'une part, il y a des choses, c'est là il faut faire un peu le carrefour. Il y a des gens qui sont, parce que la Bible déclare que tous ceux qui seront vivants veulent vivre pieusement. Ça, nous sommes en Christ là. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Il faut qu'il y ait des persécuteurs en face. Il faut qu'il y ait des gens qui veulent vivre la vie de Christ de l'autre côté. Sinon, ça n'aura pas de sens. Ça, c'est et je vais développer ça tout à l'heure. Donc, quand on est en Christ, il y a des gens qui, quand vous montez, quand vous descendez, ils ne seront jamais en Christ. Et là, ils ont un autre rôle à jouer de l'autre côté. Mais les décisions sont liées. Oui, mais quand vous parlez quand même des deux camps, de ceux qui sont persécutés et de ceux qui persécutent, la Bible déclare que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. C'est exactement là où je vais chuter. Ça touche le Jean chapitre 3, verset 16. Oui. Alors maintenant, fondamentalement, parce qu'il a dit, il a cité sept destins de Dieu, les désirs du cœur de Dieu. En fait, avant d'avancer sur ces plans, on devrait d'abord répondre à une question majeure. Est-ce que si Dieu décide quelque chose dans sa souveraineté, est-ce que quelqu'un peut changer sur la terre? Il faut que ça soit répondu parce que ça va tourner autour de cela. Ça dit quoi? Ça dit que est-ce que Dieu décide que France défense va être sauvée? Parce que d'abord, il faut qu'on comprenne d'abord le principe. La Bible déclare qu'on n'est pas sauvé par ce qu'on aura fait. C'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu, ça ne vient pas de nous. Donc ça veut dire que le salut dépend de Dieu. Et comme il dit dans Romains chapitre 8, il dit chapitre 9, il dit qu'il fait miséricorde. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais c'est de Dieu qui fait miséricorde. Donc il y a quelque chose à résoudre. Il faut qu'on résolve la problématique si d'abord, avant d'avancer sur la question. Oui. Est-ce que Dieu peut décider quelque chose et ça ne s'accomplit pas? On a vu des cas où Dieu. Allez-y, Pasteur Sakher. Pasteur Sakher, est-ce que tu as suivi ma question? Très bien. Moi j'avais un exemple, mais c'est à lui qui a posé la question. Oui, allez-y, Pasteur Sakher. Sans me lancer dans l'aspect des dispensations, je veux parler de trois temps de Dieu. Je veux mettre certaines choses d'une manière claire. Ne vous croyez pas que Dieu œuvre avec trois temps. Dans Timothée, la Bible parle des temps éternels. Dans le mot hébreu, c'est Cyrus. Mm-hmm. Ça veut dire que les temps éternels. Dans les temps éternels, le conseil, le dessein et la souveraineté de Dieu sont absolus. Au point que ses œuvres et ses actes, si nous voulons essayer d'expliquer la souveraineté de Dieu, personne ne peut le faire. Parce que nous allons passer le temps à poser la question. Pourquoi les enfants qui étaient encore dans le ventre de la mère et de leur maman, il avait choisi a dit j'ai haï, j'ai aimé Jacob. Oui. Comment on peut expliquer? Mais parce qu'on ne peut pas toucher ce thème sans aborder ça. Ce qui est sûr. Donc nous voyons le temps Cyrus, qui veut dire le temps éternel où Dieu œuvre. Maintenant, avant que ton père et ta mère ne se rencontrent, donc on n'est même pas dans l'affaire d'accepter Jésus. Oui. Dieu avait déjà un plan pour ta vie. Voilà. Dieu avait déjà dans son cœur conçu quelque chose pour toi. Pour chaque individu, avant qu'il ne vienne sur la terre. Oui. Maintenant, Dieu ne se limite pas juste dans sa souveraineté. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils. Né de la Vierge, né sous la loi. Donc, nous voyons dans le mot temps accompli, le temps kéros. Ça veut dire que le moment opportun. Oui. Ça veut dire que nous voyons qu'il y a un moment de maturité, le temps marqué, de plénitude marquée, que lorsque Dieu fait chaque chose. Mm-hmm. Donc, quand nous voyons cela, avant kéros, il y a le temps chronos. C'est-à-dire que la période déterminée dont Dieu fait. Mm-hmm. Après, il y a le moment opportun de Dieu, le temps favorable, le temps donné de Dieu. Donc, lorsque le moment est venu. Donc, nous voyons que Jésus-Christ, dans une période bien spécifique, je passe le regard du frère Élie, il sait que dans la manière dont nous développons la doctrine, nous regardons les choses dans la perspective de l'Église, des temps dans le Nouveau Testament, le modèle de l'Église du Nouveau Testament sur le modèle de Christ. Absolument. Donc, nous ne pouvons pas prendre des personnes dans la Bible selon la souveraineté de Dieu à cette époque, comme il œuvre avec eux, pour essayer de pouvoir les appliquer dans la Nouvelle Alliance, selon les périodes que nous sommes en train de fonctionner. Maintenant, Allez-y. Oui, maintenant, par rapport à nous qui sommes à l'église, Dieu, dans ce souvenir, plus tard, il a même dit, même Cyrus, le roi Cyrus, dont parfois les gens prient pour, ils ne comprennent même pas qu'il était Cyrus, c'était un roi païen. Mm-hmm. Donc, nous voyons comment Dieu peut réveiller le cœur même des rois païens pour construire sa maison, pour accomplir ses destinées. Oui. Ça, c'est sa souveraineté. Maintenant, tu ne jauges pas les actes de Dieu dans sa souveraineté. Oui. Il a donné un modèle, un exemple, Jésus-Christ. Oui. À partir de son exemple, nous pouvons voir, Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Le voleur ne veut que pour gorger, pour détruire, ainsi de suite. Donc, notre sécurité pour nous, c'est que nous devons comprendre que Jésus-Christ, en lui se trouve l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. En lui se trouve le oui et le amen. C'est pourquoi nous disons dans ce cadre que dans l'Ancien Testament, des gens pouvaient avoir être utilisés par Dieu dans sa souveraineté. Mais pour nous, dans le Nouveau Testament, voici le modèle. Jésus-Christ est la vie, Jésus-Christ est l'accomplissement de toutes les promesses. Alors, on va rappeler aux auditeurs qui peuvent participer à l'émission. 243 07 56 32, 243 07 56 32, ou alors au 699 49 37 90, 699 49 37 90, essentiellement, vous appelez essentiellement au 699 49 37 90 par appel ou par SMS, vous pouvez participer à l'émission. Et Bertrand, oui, je voulais relancer le pasteur Sakai pour que, parce que la semaine dernière, il n'était pas là, on a développé beaucoup de choses. Oui. Je voulais relancer par rapport à un verset biblique, là, c'était dans Jean 10, puisqu'il a dit qu'on centralise, on se focalise sur l'église, et c'est ce qu'on doit faire. Mm-hmm. Il a cité Jean 10, il dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Mais quand Jésus-Christ dit, et je vais le relancer pour qu'il puisse développer cela, quand le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est venu pour sauver, il n'a pas dit les brebis, mais ses brebis. Qu'est-ce qu'il veut dire par ses brebis, alors, pasteur Sakai? Oui, merci beaucoup, frérie. Avant que Jésus-Christ ne meure, il a dit aux disciples que je vous ai envoyé pas vers les païens, mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui. Nous voyons qu'il y avait une circonception, son œuvre était circoncise, bien spécifique vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui. Et c'est pourquoi nous pouvons voir comment il pouvait dire aux disciples, il donne certaines instructions par rapport à l'œuvre de l'évangélisation. Et dit qu'il parle beaucoup de choses. Maintenant, lorsque Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Nous voyons dans Matthieu 28, il dit maintenant, tout pouvoir, m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Maintenant, allez et faites de tous les ethnos, toutes les nations, tout le peuple, partout, toutes les tribus, tout, faites de toutes les nations, quoi, mais disciples. Donc, nous voyons que ce n'est pas seulement juste la maison. Les douze tribus. Nous voyons maintenant que nous voyons l'évangile. Il y a un élargissement. Terre, chaque groupe de peuple, les langues, les enfants, les jeunes et tout cela, sans forcément quitter notre nation. Donc, juste dans ce cadre que tu es en train de parler, frère Julien, donc nous voyons donc cet aspect bien pratique de la chose. Oui. Donc, Jésus, nous voyons le premier aspect de sa mission, nous voyons vers les brebis perdues à la maison d'Israël. Oui, les brebis, j'arrive. C'est intéressant pour qu'on continue sur France, parce que nous sommes allumés sur les zones. On a passé le temps, il faut qu'on touche vraiment le thème. En fait, nous sommes dans le thème, ce n'est pas hors du sujet, parce qu'en réalité, ça a à voir avec la destinée par rapport au plan de Dieu. Là, nous sommes en train de parler dans Matthieu chapitre 15. Je voulais prendre le frère, parce que nous devons comprendre que si nous pouvons discerner l'œuvre de Dieu à partir d'Israël et l'Église, nous pouvons tracer comment, nous pouvons avoir une traçabilité comment Dieu est en train d'œuvrer dans ces temps et dans ces saisons. Oui. Donc nous voyons dans la mission de Jésus vers Israël. Oui, c'est dans Matthieu chapitre 15. Exactement. Ça, c'est dans chapitre 15. Mm-hmm. La question qu'il posait, c'est dans Jean chapitre 10, où il a dit à deux reprises, il dit, je suis venu, pour, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui. Et cette parole-là ne concerne pas seulement Israël. Oui. Ça concerne nous également qui sommes de ces brebis aujourd'hui. Exactement. Et puis il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas des sept bergeries. Et quand il parle des sept, c'est le présent. Oui. Il dit, celle-là, ces brebis donc, qui ne sont pas des sept bergeries, il faut qu'elle les amène. N'est-ce pas de nous jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, c'est les questions. La question donc que je suis en train de poser, qui a traversé cette destinée, si c'est pourquoi il les appelle ces brebis. Il dit qu'il a encore d'autres qui les connaissent. Il précise même qu'il les connaît et ces brebis entendront sa voix. Pourquoi il le dit, pourtant il veut sauver tout le monde? Je crois de ma part que lorsque nous voyons dans Jean chapitre 17, oui, nous voyons dans Jean chapitre 17, frère, nous voyons comment Jésus-Christ il prie pour les disciples, oui, il prie pour que le Père les garde. Oui. Il dit, je ne prie pas seulement pour ceux-ci, je prie même pour ceux qui croiront au travers de leur parole. Donc je crois aussi que quand il parle d'autres, il parle aussi de ceux-là qui vont se joindre à ces brebis. Parce que jusqu'à maintenant, c'est pas tout Israël qui a déjà cru. Absolument. Il y a ceux qui sont encore apostates. Oui. D'autres vont se convertir. Et je me souviens toi que l'apôtre Paul dit que le moment viendra. Lorsque le Messie va apparaître, Israël se convertira. Absolument. Et dit que voici ce mystère. Donc nous voyons qu'il y a d'autres qui restent encore dans l'apostasie, qui vont se convertir, absolument, ajoutés à d'autres païens qui vont se convertir. Mais que Christ connaît d'entrée. Il connaissait en avance tout cela. Ça, c'est clair. Le problème se pose donc au niveau des troisième point dont vous avez dit ici. Par rapport au troisième point, c'est ça que vous voulez parler. De Jean chapitre 3, verset 16. Mm-hmm. Que le cœur de Dieu, parce que nous parlons de la destinée, la volonté de l'homme ou la volonté de Dieu. Alors, l'autre point était que le désir du cœur de Dieu, et c'est pour ça qu'il dit tout à l'heure, il faut qu'on se pose certaines questions. Que le désir du cœur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et il a signifié également 1 Timothée chapitre 2, verset 4 et 5. saint. Que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parvenus à la connaissance de la vérité. Or, quand nous lisons la Bible, justement, nous voyons manifestement que, un, si le Saint-Esprit ne trouve pas l'esprit, l'intelligence pour que tu comprennes, tu ne peux pas comprendre. Deux, il faut que le Seigneur Jésus-Christ te révèle qui est le Père, qui il est. Sinon, s'il ne fait pas ça, on dit que d'une façon ou d'une autre, l'être humain est exactement comme on a vu de la dernière fois dans le film de Dieu. Parce que le salut ne vient pas de lui. Il ne fait pas des œuvres pour être sauvé. C'est pas le don. Et le don n'est pas de son côté. La foi n'est pas de son côté. La grâce n'est pas de son côté. C'est Dieu qui opère toutes choses. Alors, ça me permet de vous relancer. Est-ce que l'homme est libre? Absolument. Et la dernière fois, nous avons vu que là, il faut définir la liberté comme. Oui, bien sûr. Est-ce que l'homme est libre? Si on dit libre comme on entend sur le plan humain, ce n'est pas comme cela. Parce que l'homme n'est pas exactement comme ceci. Dieu a créé l'homme de telle façon. Est-ce que l'homme peut décider d'aller, de monter, de ne pas croire en Dieu, de croire en Dieu? C'est ça le vrai problème. Vous ne pouvez pas. La Bible déclare dans ce livre de Jérémie, chapitre 21, que qui oserait de lui-même s'approcher de Dieu? C'est Dieu qui le fait. Et Jésus a dit, nul ne peut venir au Père si cela ne lui a été donné. Il faut que ça lui soit donné afin qu'il puisse venir au Père. Il dit dans Jean chapitre 6, verset 45, que ainsi donc, quiconque a reçu le Père, a écouté le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Donc ce sont des grands enseignements qu'il faut vraiment étayer pour les chrétiens. Oui. Peut-être que le frère est en train de développer quelque chose que des personnes... doivent être éveillés. Une certaine maturité. Oui, une certaine maturité. C'est pas qu'il se contredit. Frère, il dit tout certaines choses dans la souveraineté de Dieu et dans sa sagesse. Oui. Mais ce que je suis en train d'ajouter comme équilibre, c'est que dans le plan de Dieu, pour ceux qui seront sauvés, ceux qui ne seront pas sauvés. Oui. Ah bon? Ça, c'est absolument. Il le sait. Ça veut dire qu'il y a personnes qui ne seront pas sauvées. C'est clair, c'est la Bible enseigne. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne seront pas sauvées. Absolument. La Bible déclare que Jésus-Christ était l'agneau immolé avant la fondation du monde. Oui. Donc nous voyons cela. Mais bon. Maintenant, ce qui arrive, c'est que tu ne dois pas t'asseoir pour dire, ok, comme Dieu. Parce que tu n'es pas là pour essayer de justifier la sainteté. Non, ça, on a balayé ça la semaine dernière, justement. C'est ça que je veux te montrer. Mm-hmm. Nous avons un rôle à jouer à notre niveau. Oui. C'est pourquoi nous allons parler un peu de la volonté, de notre volonté. Notre part. Notre part. Nous avons mais pourquoi convoquer? Et justement, c'est ça là, le problème. Pourquoi convoquer notre part alors que Dieu a déjà la sentence à main? Ce sont des grands développements. Si Dieu a déjà dit que le frère Franck Stéphane sera X, pourquoi je dois penser qu'en travaillant davantage dans Y, je peux le devenir? Le problème, c'est que Dieu a dit cela et c'est le rouleau se chauffe chez lui. Tu ne connais pas, c'est ça le vrai problème. Est-ce que tu connais? Quand Jésus dit que... Les choses qui sont cachées, sont révélées, nous appartiennent. Il dit le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on jette dans la mer. Et il a dit à la première que je te ferai pécher d'homme. Le vrai problème, c'est ceci. Quand on prêche l'évangile par le Saint-Esprit, quand on prêche l'évangile, c'est le Saint-Esprit qui connaît ceux à qui il les destine. Dans Actes d'Apôtres, chapitre 15, à partir du chapitre 16, verset 13 suivant, la Bible déclare que Luc, Jean et Paul cherchaient un endroit où il y avait la prière. Ils ont trouvé là un groupe de femmes. Il y avait une femme là, une marchande de pourpre, qui était Lydie. La Bible déclare que lorsque l'apôtre Paul s'est mis à parler, le Seigneur Dieu a ouvert le cœur de Lydie afin qu'elle soit attentive à ce qu'elle disait Dieu. La question, c'est pourquoi Dieu ouvre le cœur de Lydie et laisse les autres cœurs? Ils sont même arrivés quelque part, ils ont prêché l'évangile et la Bible déclare que ceux qui étaient destinés pour le salut. Alors, chapitre 13, verset 48. Maintenant, est-ce que c'est à toi? Est-ce que Dieu s'est assis dans son conseil? T'as dit, mon que fils, c'est telle personne voilà va croire. La liste des gens qui seront sauvés, qui ne seront pas sauvés. Donc, voilà donc, à cause de l'esprit de l'obéissance. Oui. Parce que l'obéissance, ce n'est pas les actes que tu poses, c'est d'abord l'attitude du cœur et ensuite des actes. Donc, à cause de l'obéissance, ton rôle, c'est de faire ce que tu dois faire. Et Dieu fait le pas. Et Dieu fait sa part. Ok, on va prendre ce message de Jean-Christian Maillot qui écrit dans le groupe Lumière sur les ondes. Il dit, Dieu nous a créés libres et a mis entre l'homme et lui la grâce. On peut avoir une bonne destinée et la perdre par nos actes. Ou alors la gagner lorsqu'on l'a perdue par le biais de la grâce. La destinée est un carrefour entre Dieu et l'homme, au point où on a l'impression qu'elle est soit de Dieu, soit de l'homme. Un homme sans destinée n'a pas de vie et tout ce que ça comporte. Dieu a besoin de l'homme pour se faire représenter et l'homme a besoin de Dieu pour donner un sens à sa créature. Assez complexe quand même. Assez complexe et philosophique. Je vais dire quelque chose là-dessus. La destinée de Dieu ça ne fait l'homme d'aucun doute parce que tout est fait, même dans la nature, même sans lire la Bible, tout est fait pour comprendre effectivement que tout a un but. Il a fait le soleil pour un but. Il dit clairement qu'il a fait la lune, les luminaires pour marquer des saisons. Cela et personne ne peut rien faire contre cela. Alors, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, quand Dieu a dit, la chose va s'accomplir. Exactement. J'ai un cas biblique quand même qui me taraude, c'est le cas de Ésaïe et Ézéchias. Voilà, il y en a plein dans la Bible. Ésaïe qui vient annoncer une nouvelle à Ézéchias de la part du Seigneur. Oui. Le Seigneur m'a dit que tu vas mourir. Oui. Qu'est-ce que Ézéchias fait? Ézéchias prie. Il prie vers le Seigneur. Absolument. Et la Bible déclare que Ézéchias a eu 15 années supplémentaires. Oui. Or, Dieu qui avait parlé en Ésaïe, se serait-il contredit? Voilà, c'est toute la grande question. Bonne question. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit qu'on n'a pas assez de temps dans cette émission pour expliquer quelque chose. Je vais amplifier, je vais prendre un autre cas qui trouble même les gens. Ceci, ce n'est qu'un petit cas. Mm. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 17, il a cité un passage tout à l'heure, c'est ce qu'un pied dit, que le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été rachetés par, pas par le par de 20 manières de vie, par le, pas de l'or, mais par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, comme d'un agneau prédestiné avant la fondation du monde. Mm. Remarquez très bien, avant qu'on fonde le monde, l'agneau était prédestiné. C'est un problème déjà encore. Donc je vais prendre ce cas-ci, quand Jésus-Christ en a dit, avec ce cas-là, pour citer quelque chose dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, en chapitre 6, la Bible déclare que quand les hommes commencent à se multiplier sur la terre, les fils des hommes vivent, les dieux qui vivent, que les filles des hommes étaient belles, ils en prient pour femmes. C'est qu'ils en prient. Et puis la méchanceté était là. Verset 6 et 7 disent clairement que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Oui. C'est terrible. Que Dieu s'est repenti. C'est comme si Dieu regrettait, oh, comme humain, que je regrette que non, ces choses arrivent. Comme si Dieu était comme un être humain qui ne savait pas que ça devait arriver. Mais la Bible nous révèle là qu'il a prédestiné l'agneau avant la fondation. Oui. Donc ça veut dire que la solution du péché était préparée avant le péché. Donc ça pose problème. C'est encore plus compliqué, encore davantage par rapport à cette, par rapport à Ézéchias. Donc ça montre effectivement comment Dieu peut mettre pause dans la vie. Parce que la Bible déclare en Ézéchias chapitre 12 que les fils de vie peuvent être coupés sur la terre. C'est notre père d'image encore dans la Bible. C'est vrai, on dit quoi? La Bible déclare que tu pourras perdre ton héritage par ta faute. Donc il y a notre grand domaine dans la Bible qu'il faut développer. Donc ici, ce n'est pas un cas, ça n'a rien à voir avec le problème de la destinée. Le vrai problème, c'est ceci. Lorsque vous voyez que, je prends un cas encore une autre fois dans le cas de Ninive avec Jonas. Quand vous voyez le prophète Jonas en train d'essayer de fuir Dieu, et chaque prophète de Dieu sait effectivement qu'on ne peut pas fuir Dieu. Vous regardez sur le plan humain, vous allez voir effectivement que Jonas essaie d'esquiver Dieu. Mais là, chaque prophète doit prophétiser de sa manière la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il en est de prophétiser, il en est de courir pour aller à Tarsis, pour ne pas aller prêcher à Ninive. Qu'est-ce qui se passe? On le jette finalement en résultat dans la mer et le poisson le prend pour 3 jours. Et là maintenant, dans cette signification-là, il est en train de vouloir comme ça signifier la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ pendant 3 jours. Et là, nous comprenons effectivement que ce n'était pas une fuite au sens propre du terme. C'était sa manière de prophétiser comme Joseph, lui, vendu par ses frères, était un symbole du fait que Christ devait être vendu par ses frères. Il devait prendre quoi, une épouse en Égypte. Donc, maintenant, c'est une vie vécue. Dieu ne leur dit pas que tu vas faire comme ça pour que tu entres dans mon plan. Ils vivent tout simplement. On donne le record dans la Bible pour qu'on comprenne et on se voit comment Dieu. Ce sont les manières de Dieu de s'exprimer afin qu'on essaie d'appréhender quelques bribes de ce Dieu incompréhensible. Oui, vous avez beaucoup plus développé le cas de Genèse, mais le cas d'Ésaïe et Ézéchias quand même. On voudrait comprendre comment Dieu peut dire à son prophète, va dire à Élie que je retranche, je l'enlève du monde. Ça touche dans et le domaine. Et que par la suite, Élie se met à prier et lui ajoute 15 ans. Est-ce que Ézéchias, Dieu, à ce moment-là, n'entre pas en porte-à-faux avec son prophète, non, avec qui il avait révélé? Non, en fait, si ce prophète était aujourd'hui là, qu'il dise là que ça ne s'accomplit pas, on dirait que c'est un faux prophète parce qu'il était encore dans la cour quand Dieu lui a dit que tu as vu comment il s'est incliné. Donc, ça veut dire ici, dans la Bible, il y a des prophéties conditionnées de Dieu. Il y a des prophéties qui est arrêtées, comme par exemple dans Apocalypse. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 17, verset 14 à 17, que Dieu a mis, il y a la bête qui va montrer avec les 10 rois, Dieu a mis dans leur cœur le dessein pour qu'il aille la prostituée. Or, Dieu entre dans le cœur des rois des nations qui vont se regrouper, ils vont faire le nouvel ordre mondial pour pouvoir haïr la bête. Dieu dit qu'il a mis dans leur dessein, un même dessein, dans leur cœur, un même dessein. Ils vont accomplir le dessein de Dieu, haïr la prostituée pour que la parole s'accomplisse. Donc, il y a des prophéties arrêtées dans la Bible comme la bête va descendre de la mer, la bête qui sort de la terre. Ça doit arriver. Il y a des prophéties conditionnées. C'est pour ça que vous voyez, ça va être si. Il y a la repentance qui conditionne. Et Dieu fait cela, c'est le même tendu pour pouvoir nous résoudre nos problèmes quotidiens. Ça, c'est... Mais pour ce qui est de la souveraineté et du plan de Dieu par rapport à ces prophéties, rien ne peut arrêter cela. Il y a des prophéties, par exemple, comme le Messie viendra pour chercher son église. Personne ne peut prier contre cela. Personne ne peut arrêter cela. Mais comment ici, comprendre, Élie? Je voudrais qu'on reste quand même sur le cas que ou alors le pasteur Saka aussi va réagir. Oui. Je veux qu'il termine avec son. Oui. Je veux qu'on reste sur le cas vraiment d'Ézéchias et Isaïe. Oui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Qu'est-ce que Dieu voulait montrer? Dieu voulait montrer effectivement qu'avec un cœur repentant, il peut revenir sur certaines choses, des aspects de la vie. Il a vu ça clairement. On a vu ça clairement dans la Bible. Nous on voit que il savait déjà que Ézéchias avait prié. Absolument, il savait. La Bible déclare dans Galates, dans le livre de Matthieu, que la parole, que avant que le Père sait de quoi nous avons besoin, avant que nous lui demandons. Ok. Pasteur Sakher, réaction par rapport à cette question. Je voulais montrer juste que les traités de Dieu vis-à-vis de l'homme. Je dis que l'homme. Si nous enlevons le cœur de Dieu, il a parlé des prophéties qui touchent sa souveraineté. Et si nous parlons de son dessein global. Son dessein global. Allons-y, donc, nous voyons que dans ce cadre des choses, quand Dieu dit quelque chose, c'est un arrêté. Oui. Mais c'est traité avec l'homme, selon ton attitude de cœur, il faut comprendre cela, c'est que ça peut changer selon ton attitude de cœur. Regardez, prenons un peu un exemple pratique. Paul dit que une écharde m'a été donnée et plus il a prié pour que cela soit, lui soit ôté. Mmh. Et Dieu dit, ne prie plus, cela te suffit. Ta grâce car ma grâce te suffit. Mmh. Donc lui-même dit, il a prié pour que Dieu enlève cela. Donc après, regarde ce qu'il regarde dans la suite. Il dit, à cause de l'excellence, des révélations qui m'ont été données, une écharde. Donc nous voyons comment Dieu, dans ce cadre des choses, nous voyons comment se traiter avec l'homme change en fonction de ce qu'il il veut faire, mm-hmm. ou soit par rapport au cœur de la personne. Mm-hmm. Donc lui-même, il savait, Paul, c'est pourquoi plus loin nous voyons, il dit, je connais un homme qui est allé au troisième ciel. Mm-hmm. Il a entendu des choses. Quand il parlait d'un homme, il s'agissait de lui. Absolument. Il s'agissait de lui. Donc nous voyons donc comment l'humilité, Dieu a permis certaines choses, a maintenu Paul dans l'humilité de la chose. Donc nous voyons donc deux aspects des choses. Nous voyons les décrets de Dieu dans sa souveraineté, et nous voyons ces décrets, ces traités avec l'homme. Donc, il a dit quelque chose vis-à-vis de moi, mon attitude, ma repentance et le fait de revenir sur le chemin peut changer les choses. Autre SMS qui nous est envoyé par WhatsApp au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Vous pouvez aussi participer en appelant ou en écrivant des SMS ou sur WhatsApp. Nous sommes open. Bonsoir à vous en studio. Je reviens pour passer un message. Je suis d'accord avec vous qu'il y a une différence entre le destin et la destinée. Cependant, je voudrais savoir si ce que tous les hommes traversent, c'est l'accomplissement de la destinée que Dieu leur a assignée. Prenons le cas, par exemple, d'Adam et Ève dans la Bible. Dieu n'aurait pas voulu que l'homme souffre, mais par la désobéissance, Dieu a donc donné le choix à l'homme. Je reviens, ma gloire demande Dieu. Voilà. Pasteur Sakher, la question, savoir, il est d'accord avec la Est-ce que tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous arrive, voilà, est-ce que c'est la destinée que Dieu nous a assignée? C'est contenu dans le plan de Dieu, en clair. Tout ce que les hommes traversent, de bon ou de mauvais, est-ce que c'est... Oui. Si ma gloire nous suit depuis le début, c'est exactement dans ce côté que nous sommes en train de parler. L'apôtre Pierre dit que si nous souffrons, ou bien que nous sommes persécutés... Il dit que c'est la volonté de Dieu que pour vous, c'est même sa volonté de souffrir pour le bien. Exactement, pour le bien. Oui. Donc, nous ne souffrons pas parce que nous avons été malhonnêtes, été maltraités, ainsi de suite. Donc, nous voyons qu'il y a certaines choses qui nous arrivent à cause de notre désobéissance personnelle, à cause de notre manque d'intégrité, le fait de respecter la parole de Dieu. Maintenant, il y a d'autres choses aussi qui nous arrivent, qui sont tout simplement, ce que je peux dire, parmi ces événements dont nous sommes en train de parler, où la Bible déclare, pendant que Jésus dit, vous aurez avec comme les bénédictions les persécutions, lorsqu'il dit, celui qui aura quitté son père, sa mère, tout ça, recevra au centuple, avec des persécutions. Maintenant, ces persécutions, c'est lorsque tu te trouves en train de faire la volonté de Dieu, lorsque tu es en train d'accomplir ce que Dieu te demande d'accomplir. Maintenant, ces persécutions, ces souffrances, l'apôtre Paul dit ça d'une manière claire par rapport à cela. Donc, ces souffrances, et nous, il faut comprendre quelque chose pendant que je suis en train d'avancer, c'est que chaque fois que tu es persécuté parce que tu es en train de faire la volonté de Dieu, ta foi est renforcée. Ta communion avec Dieu est renforcée. Mais lorsque tu es, je sais pas ce que tu appelles persécution, ou bien lorsque tu souffres, parce que tu es en dehors de la volonté de Dieu, parce que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, l'une des choses que tu vas constater dans ta vie, c'est qu'il y aura de l'amertume. Ça va amener ta communion avec Dieu va refroidir. Donc, par rapport à ce que le frère a dit, il est important d'éclairer ces deux choses. Aussi longtemps que tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu dois te rassurer que les persécutions, ces persécutions ont pour but, c'est comme des tremplins, c'est pour toi des épreuves pour ta promotion. Mais lorsque tu es en dehors de la parole de Dieu, ces persécutions qui t'arrivent, c'est pour te ramener dans le chemin. Maintenant, pour envoyer, c'est qu'aussi longtemps que tu reviens sur les rails, que tu te répands, Romains chapitre 8, la Bible déclare, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc lorsque tu reviens dans la volonté de Dieu, même ces choses négatives vont concourir à ton bien. Comment? Parce que ça va te donner de l'expérience et de la sagesse pour t'ajuster. Alors c'est la formation. Je vais poser une autre question. On évolue bien dans le débat. Je crois que les auditeurs qui nous suivent à travers les questions qu'ils posent, on comprend qu'on est vraiment sur la bonne voie au niveau de cette émission avec pour thème la destinée, volonté divine ou humaine. Les deux panélistes s'accordent à dire que la destinée, c'est la volonté divine. Oui, c'est-à-dire que Dieu a tout préparé en avance. Oui. Et aujourd'hui, nous ne sommes que des personnes qui sont en train de mettre en œuvre le plan de Dieu, oui, selon son bien-dessein dans sa toute sagesse, dans sa toute connaissance, dans sa souveraineté. Alors, est-ce à dire que Dieu également a créé le méchant? Bon, là... Dieu a suscité le méchant. Oui. Est-ce que Dieu a choisi des personnes qui iront en enfer? Puisque lui-même, il a préparé que l'enfer sera là. Est-ce qu'il a choisi ces personnes? Ou ces personnes, de par leur cœur, et là je touche peut-être le volet destin, de par leur cœur, ont décidé délibérément d'aller en enfer? Voilà. Ouais, je crois que c'est plein là. 10 minutes là, ça ne suffirait pas pour déterminer. Regardons très attentivement. Oui. La Bible déclare dans Lamentations chapitre 3 verset 36 suivant, il dit que la Bible déclare qu'arrive-t-il quelque chose, un malheur dans une vie sans que l'Éternel n'en soit l'auteur, pas que celui qui fait le mal, il ne fait pas le mal. Mais le problème c'est qu'il faut qu'on d'abord on essaie d'aller un peu avec notre cerveau si on peut appréhender qu'il y a un être qui s'est opposé à lui. Allons longtemps avant que cet être-là ne soit opposé à lui. Il n'y avait absolument rien de mauvais qu'on puisse avoir, on peut avoir ce débat-ci là maintenant. On l'appelle Lucifer. Alors maintenant, quand celui-là s'est opposé à lui, il est entré... Est-ce que réellement quelqu'un peut s'opposer à Dieu? Non, en fait, la Bible déclare qu'en fait, quand tu t'opposes à Dieu, tu peux faire... Il y a des gens, Karl Marx a maudit Dieu, Nietzsche en a maudit, effectivement, mais c'est pour le peuple ruine. Okay. Mais ce qu'il veut dire, c'est ceci. Ces choses que nous sommes en train de voir maintenant, nous voyons effectivement que même le diable, qui est le principal opposant de Dieu, nous voyons effectivement qu'il est dans le dessein même de Dieu. Mm-hmm. Parce que tout ce qu'il fait, il fait à la limite que Dieu lui a assigné. Ça veut dire que tout ce qu'il va faire, le diable, lui, et tout ce qu'il va influencer jamais sur la terre, ce sera sous le contrôle de Dieu. Nous voyons exactement comment il est venu sur la terre. Il a vu, genre, pendant qu'il se promenait sur la terre, quand il a vu le serviteur de Dieu, comment il était intègre, il a dit clairement que c'est parce que Dieu l'a protégé. Il dit, enlève ta protection et puis je vais le frapper, il va te maudire en face. Nous voyons effectivement qu'il ne pouvait pas avoir d'exaction dans la vie des incursions, dans la vie de Job, sans que Dieu lui ait donné la permission. Nous regardons dans un roi, chapitre 22 également, le cas de Michée, avec les prophètes de Baal, qui étaient de l'autre côté pour qu'ils prophétisaient que Akab et Josaphat montent à Ramah en Galote pour prendre Ramah. Et ça, le prophète va venir dire maintenant que le conseil du ciel s'est assis et un mauvais esprit est venu et puis Dieu a prononcé le mal contre Akab. Et là il dit ce sont les mauvais esprits qui prophétisent dans la bouche de tes prophètes. Donc nous pouvons être sur la terre en train d'accomplir une œuvre ne sachant pas ce qui nous est arrivé, alors que dans l'autre flanc, en toile de fond, de l'autre côté du rideau, on a fait des décisions sur nous. Et là ça me pousse à poser à essayer d'expliquer ça plus grandement. Lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 2, lorsque Hérode va vouloir tuer l'enfant Jésus, nous voyons effectivement subitement dans la Bible, Osée chapitre 11 verset 1 nous dit que et je fis appeler mon fils hors de l'Égypte. Et quand cet enfant va vouloir être tué par Hérode, l'ange vient en songe dire à Joseph que descends en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te fasse venir parce que Hérode cherchera, je le souhaite vraiment à votre temps, Hérode cherchera à tuer le petit enfant. Or, la Bible déclare que lorsque Joseph va faire sortir Jésus hors de l'Égypte, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait dit, je fis appeler mon fils hors de l'Égypte. Or, dans la prophétie, on ne voit pas nulle part quelque chose qu'il va faire pour que Jésus soit envoyé en Égypte. Mais là, en toi, des fois, on voit dans Jérémie chapitre 31, Rachel pleure ses enfants, j'entends des cris à Rama. 700 ans avant que Jésus ne vienne, on voit effectivement comment le prophète Jérémie a vu le tableau complet des enfants qui sont tués. Or, sur la terre, ni Hérode, le tétraque, qui va faire tuer, donner l'ordre de tuer les enfants, ce n'est pas écrit, son nom n'est pas écrit là-bas. Donc, quelqu'un peut être en train d'accomplir un tableau sombre de sa vie, ça rend compte que c'est prévu. Le cas de Judas, par exemple, c'est nous qui lisons le psaume aujourd'hui pour comprendre que c'est des Judas dont on parlait. Mm-hmm. Quand lui vivait, il ne savait pas qu'il y avait un document qui écrit de lui et qui parlait comme ça de lui. Il est seulement entré comme le seul Jésus, le psaume 109 et le psaume 69, oui. Afin que l'écriture s'accomplisse. Donc, en clair, si nous sommes sur la terre, nous sommes envoyés par des mots, la Bible déclare qu'il n'y a rien qui puisse arriver sans la volonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu a créé le méchant. Non, il a créé celui qui est devenu le méchant. Il a créé celui qui est devenu le méchant. Que dire des hommes qui vont aller en enfer? C'est Dieu qui a choisi, puisque Dieu a créé le monde bien avant sa fondation. Il a parlé tout à l'heure là des noms qui sont écrits dans le livre des vies avant la fondation du monde. Oui. Dieu, dans sa préscience, connaissait que toi tu serais sauvé. Oui. Et il t'a sauvé, il t'a élu donc en avance. Oui. C'est ce que la Bible dit dans sa préscience. Et celui qui ne sera pas sauvé, pasteur Sakir, c'est parce que Dieu ne l'a pas élu, ou alors c'est parce que par l'influence de Lucifer, il décide d'aller en enfer. La Bible déclare que beaucoup sont appelés, peu sont élus. Nous devons comprendre que l'appel vient de Dieu, l'élection vient de nous. Le mot élection veut dire la qualification. Tu dois te qualifier par rapport à ce que Dieu t'appelle à faire. Mm-hmm. Cela implique, comme nous étions en train de dire, notre rôle à jouer dans cela. Maintenant, celui dont tu parles qu'il ira en enfer parce qu'il n'a pas... Est-ce que c'est Dieu qui avait prévu qu'il aille en enfer? Sous l'influence. Oui. C'est que sur le cœur de l'amour, le cœur d'amour du Père est révélé par la manière dont nous voyons comment il accomplit, il fait ces choses au travers de la personne de Jésus-Christ. Mm-hmm. Nous voyons que chaque personne était exposée à l'évangile. Même cet individu, là où il se trouve là, il aura toujours une opportunité. Une personne va venir lui partager la parole de Dieu. Maintenant, à lui d'accepter, à lui de refuser. Il a parlé de l'aspect de Judas Iscariot. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas, on n'a pas écrit que Judas Iscariot devait le faire. Mais la prophétie était déjà claire. Il devait être livré, quelqu'un d'autre devait prendre sa charge. Maintenant, est-ce que quelqu'un, à la personne à qui c'est destiné, parce que quand Dieu lui écrit sans connaître, sans mettre le nom, il connaît la personne, n'est-ce pas, frère? Oui, forcément. Est-ce que cette personne peut se soustraire de fait cela? Dans la souveraineté, la sagesse de Dieu, nous savons que Dieu connaît la personne. Voilà. Mais la personne ne se connaît pas, c'est lui. Mais par rapport à nous, oui, nous-mêmes les hommes, oui, nous ne connaissons pas le nom de Judas Iscariot. Voilà. Donc c'est pourquoi donc l'apôtre Paul, lorsqu'il a fini d'écrire au sujet du mystère. Alors, permettez-moi de prendre cet appel, pasteur Saké. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, comment je vous appelle? Je m'appelle Pierre. J'appelle depuis Suzan. Oui, le frère, on vous écoute. Allez-y, vous pouvez participer. Oui, je dis bonsoir à tout le monde. Et Bonsoir. Je suis d'accord avec le pasteur parce que Dieu a tant aimé. Il dit dans Jean chapitre 3, du verset 16, il dit Dieu a tant aimé le monde parce qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et soit sauvé. Donc le salut est proposé à tout le monde. Chacun est libre de refuser, comme il venait de dire. Si on te prêche l'évangile et que tu rejettes l'évangile, la parole de Dieu, tu iras en enfer. Dieu nous a créés, c'est pour le bonheur et non pour le malheur. Merci frère. Donc ce que j'étais juste en train de révéler là, concernant le frère Pierre qui nous appelle de Suza, nous saluons la population de Suza là-bas qui nous écoute. Et les environs. Que tu veux avant de donner la parole à l'évangéliste Célie, voici ce que je vais dire. Dans sa souveraineté et dans sa sagesse suprême, le Seigneur connaît toujours dans son conseil. Notre rôle à jouer, c'est de révéler le cœur d'amour du Père selon le modèle que Jésus-Christ nous a montré. Quel est ce modèle? Notre rôle, c'est de prêcher l'évangile à tout être humain et d'amener des personnes à comprendre que le désir de Dieu, c'est de sauver tout homme. Pour que personne ne puisse dire, au travers de lumière sur les ondes, oui, j'ai appris que Dieu connaissait déjà. Parce que ça ne sait pas de vous de douaner en disant que c'est ce que la Bible enseigne, même si quelqu'un entend ça, c'est la vérité, oui, quand même. Non, nous devons révéler au cœur du Père. Oui, voilà. Nous voulons révéler. Donc la prostituée ne doit pas dire, ok, ça va, pour moi, j'avais dit, c'est la prostituée, ça va. Non, ma soeur, voici le cœur d'amour du Père, il veut te sauver, il a envoyé Jésus-Christ, il est mort pour tes péchés, il a été ressuscité. Ouvre ton cœur et reçois Jésus. Comment il m'a ouvert? Parce que c'est Dieu qui doit ouvrir le cœur. Parce que j'arrive là maintenant. Il reste 3 minutes. Mais c'est pour ça qu'il dit que dans cette émission, nous avons vraiment des problèmes. Regardez encore une fois de plus, je vais encore dire quelque chose. Dieu a connu des gens d'avance et il a écrit les noms d'avance dans le livre de vie. Oui. Et par conséquent, vous voyez effectivement quand on fait que les gens confessent, après on dit que répète ceci après moi, Seigneur, écris mon nom aujourd'hui dans le livre de vie. Il y a même une musique qui chante, écris mon nom, Seigneur, écris mon nom, des bêtises comme ça. Vous voyez effectivement que. Alors que le nom est écrit avant que les gens le bon, c'est que ces gens-là, on joue même ça à coup sûr ici à Radio Bonne Nouvelle et dans les radios chrétiennes. Okay. On ne veut pas accepter tes choses parce que c'est le mensonge. Si le chef de chaîne nous écoute ici, il faut que les choses ne soient pas distillées ici. Bon, c'est pas ça le but de notre émission. Mais de toute façon, nous allons corriger toutes choses. Oui. Maintenant, ce que je vais dire, c'est ceci. Il faut qu'on nous arrive à un autre niveau. Oui. Dans le livre, je vais prendre deux passages là rapidement. Dans le livre de Romains, chapitre 1, sous les yeux, le verset 4 et le verset 5, verset 5 particulièrement, l'apôtre Paul révèle que la grâce lui a été donnée par de cet apôtre-là, par le Seigneur Jésus-Christ, par Dieu le Père, pour ramener à l'obéissance à la foi tous les païens. Mm-hmm. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 1, verset 5. Mm-hmm. Il dit qu'ils ont reçu la grâce de l'apostolat pour ramener par le nom de Jésus-Christ à l'obéissance à la foi tous les païens. C'est écrit là-bas littéralement tous les païens. Tout à l'heure, il a cité Actes chapitre 13, verset 48, lorsqu'ils ont exposé la vie, l'évangile aux juifs, il dit, puisque vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous adressons vers les païens, car ainsi nous a ordonné le Seigneur. Je suis établi pour être la lumière du peuple. On dit, les païens en entendant ces choses-là se réjouissaient, et tous ceux, pas tous les païens, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Dans Actes chapitre 2, verset 40, il a dit que la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc nous voyons effectivement que l'appel doit être fait par Dieu et Dieu connaît ceux qui doivent venir. Maintenant, dans Romains chapitre 11, verset 25, pour terminer, il dit, voici, je vous dis un mystère, c'est que toute une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée afin que tout Israël soit sauvé. Or, il dit la totalité des païens. Or, en dehors d'Israël, le reste des nations sont des païens. Et Jésus disait dans Matthieu chapitre 28 que allez faire de toutes les nations des disciples. Donc parmi les nations, il faut faire des disciples. Pas que tout le monde entier sera des disciples, parce que ça ne peut pas se faire. Au milieu des nations, c'est tous les gens donc qui vont constituer les disciples. Et donc et les autres seront voués à l'enfer. Absolument, c'est ce qui en est pas bien clair. Pas parce qu'ils n'ont pas reçu, parce qu'ils auront reçu la parole, mais ils auront refusé. De or, le refus ou bien l'acceptation vient de Dieu, parce qu'il va produire en vous de vouloir et le faire. Et le faire. Très complexe. Pour clôturer trois passages de la Bible, très rapidement. Romains 5, verset 11, la Bible déclare que nous avons obtenu la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 18, il nous a donné le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 19, et nous avons la parole de la réconciliation. Notre rôle, c'est de réconcilier le monde avec Dieu. Merci infiniment, pasteur Sakher, d'avoir participé à cette émission. Merci, frère Elie Bertrand Chabda également. Je dis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On va quand même retenir quelque chose ce soir. C'est avec ça que les auditeurs doivent repartir. La différence entre le destin et la destinée qui est, elle, spirituelle, c'est effectivement le plan de Dieu. Le destin qui est effectivement l'élaboration des projets humains que chacun conçoit et décide de suivre. On doit également retenir que Dieu, dans vraiment sa toute sagesse, a tout établi bien avant la fondation du monde. Je crois que là, on est tout à fait d'accord. Absolument. Je voudrais également qu'on retienne quelque chose d'important, c'est que nous ne nous braquons pas à ce que tout ait déjà été établi. Oui. Il y a la parole de Dieu qui est prêchée. Écoutons la parole de Dieu. Et si Dieu a prévu que nos cœurs soient ouverts, ça ils seront forcément ouverts. Il y a d'autres personnes que si c'est braque, c'est qu'en se braquant, c'était prévu qu'ils seraient braqués. Merci Elie Bertrand Chabda, merci Pasteur Sakher, merci à Babette Doya, merci à Raoul Patrick, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi à partir de 18h30 pour une autre production. Bonsoir à vous, que le Seigneur vous bénisse. Il a promis d'être avec nous.